Il y a de la musique là. Il veut qu'on laisse la musique, tout à l'heure on l'a pas laissé. Non, on va attendre que la musique a 10 minutes. On arrête. Quand elle remonte, à la fin elle va remonter la musique. Ouais. Dans une heure. Bon. OK, on va commencer avec les... On a quelques questions, là. Tu m'as pas... c'est la première fois qu'il m'interviewait, c'est pas compliqué, hein? Non, non, c'est bien le fun. Il paraît qu'il faut que je parle plus près du micro, là. OK. Bon, j'en ai une belle ici, là. Elles sont toutes bien intelligentes, là. Pour ceux qui pensent pas poser des questions pas intelligentes, il n'y en a pas. OK, on commence avec celle-là. Rien ne se perd, rien ne se crée. D'où vient cette énergie? Bon. Ben effectivement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour finir le petit concept scientifique, qui est une réalité. Mais l'énergie, elle est présente partout. Sauf que, justement, comme on peut connaître en science, vu que c'est un concept scientifique, on parlait un peu de la science. Si vous prenez une balloune, ben, il y a de l'air dans la balloune, puis il y a de l'air dehors de la balloune. Mais si vous mettez plus d'air dans la balloune, puis il y a plus d'air dans la balloune, puis il y en a autant dehors qu'il n'y avait avant. Parce que remarquez que si vous soufflez de l'air dans une balloune, ben, il y a plus d'air dans la balloune. Mais personnellement, vous ne pouvez pas remarquer qu'il y a une diminution de l'air ambiant, parce qu'il y en a plus dans la balloune. Parce qu'il y a beaucoup de place, il y a beaucoup d'air à l'extérieur. Alors, ce qui fait que dans la balloune, il n'y a pas d'air qui a été créé. Et l'énergie, ben, vous êtes comme une balloune. On peut vous gonfler. On peut être gonflé d'énergie psychologique astrale. Ça, c'est de l'air vicié. Puis on peut vous gonfler d'une énergie qui est pas mal plus harmonieuse. Et puis automatiquement, ben, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui apparaît, tout est transformé. Puis j'ai déjà dit avec à un moment donné que quand Dieu avait créé la Terre, ben, en réalité, Dieu s'était transformé en Terre. C'est-à-dire que Dieu, il y a une parcelle de lui qui s'est transformée. C'était. Puis quand on dit Dieu, on parle de l'univers. Mais il n'a pas pris rien. Pour faire de quoi? Pour le mettre quelque part où il n'y avait rien. Parce que pour créer quelque chose, il faut le mettre quelque part où il n'y a rien. Sans ça, il faut tasser de quoi? Puis comme supposément Dieu est partout, ben, il n'y a plus de place pour rien mettre s'il créait. Hein? Je ne sais pas si c'est clair. Alors, vu qu'il n'y a plus de place pour rien mettre, vu que Dieu était partout, hein, si moi je suis moi, ben, je ne peux pas créer quelque chose pour le mettre dans moi. À moins que je me fasse des problèmes physiques. Alors, si Dieu est partout, ben, Dieu ne peut pas créer quelque chose pour le mettre quelque part. Parce que quelque part, c'est lui qui est là. Bon, automatiquement, justement, l'univers s'est transformé et puis il y en a eu ce qu'on a ici. Quelque chose que ça, j'expliquerai sans doute à un moment donné, mais pas là, au niveau des créations puis tout ça. Mais l'énergie elle-même, ben c'est ça. L'énergie, elle est ambiante, elle est partout. Et puis nous, on en a. Et puis nous, non seulement on en a, mais on est capable d'en gérer, d'en générer et d'en gérer. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Bon, juste finir par une petite parabole, essayer de comprendre, voir c'est quoi l'énergie, puis à qui ça appartient, l'énergie. Alors, vous avez un lac, une étendue d'eau qui est bien calme. Vous avez un arbre qui pousse sur le bord du lac, il y a des branches qui vont au-dessus du lac. Et puis là, tout d'un coup, il y a un petit coup de vent qui se lève, puis une feuille qui tombe. La feuille, elle descend lentement, elle arrive sur l'eau. Pouf! Automatiquement, il y a une onde de forme, il y a une onde qui est créée à la surface de l'eau. Hein, vous savez, lancer une roche dans l'eau, vous allez avoir la même onde. Mais l'onde, elle appartient pas à l'eau. Elle appartient pas à la feuille ni à l'arbre. Mais l'onde, elle existe. Indépendamment de la feuille, retirer la feuille, l'onde va continuer. Et puis l'eau n'est pas, les molécules d'eau ne sont pas promenées par l'onde. Hein? S'il y a quelque chose qui est à la surface de l'eau, il va monter puis il va redescendre. L'onde, elle continue son chemin. Mais l'onde appartient ni à l'eau, ni à la feuille, ni à l'arbre. Mais présentement, elle est là. Puis juste avant, elle était pas là. Mais l'énergie, c'est ça. L'énergie qui se promène au niveau de l'homme. L'énergie, la réelle énergie. C'est quelque chose qui apparaît quand il y a des phénomènes qui vont se rencontrer. Et indépendamment de ces phénomènes-là, c'est-à-dire du phénomène propre, l'énergie apparaît. L'énergie, elle est là, mais elle n'est pas exprimée. Alors, la possibilité d'avoir une onde à la surface de l'eau, c'est là. C'est en potentiel. C'est une réalité potentielle. C'est de l'énergie potentielle. La feuille, ben non, votre doigt touche l'eau. Ben l'onde qui est sur l'eau, il était pas dans votre doigt, il était pas dans l'eau. Mais la possibilité qu'il existe une onde était là. Mais elle n'était pas là, l'onde. Puis si vous faites floc, essaye, tu vois. Moi, j'ai mieux la voir. T'as mieux la voir. Alors, si on fait floc dans l'eau, alors si la feuille tombe, arrive à la surface de l'eau, automatiquement, il y a une onde qui est créée. Cette onde-là ne transporte pas les molécules d'eau, ne bouge pas l'eau, elle ne transforme pas l'eau, elle ne transforme pas la feuille, elle descend au fond de l'eau, l'onde reste là. C'est indépendant de la feuille, de l'eau, de l'arbre. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut de l'eau et une feuille pour avoir une onde, même si l'onde n'a aucun rapport avec ni l'eau ni la feuille. Okay. Alors, c'est ça l'énergie. Si j'étais physicien, je te dirais que dans la feuille qui est au niveau de l'arbre, bien, la feuille est le produit de l'énergie de l'arbre. Ça devient une feuille, entre autres. La feuille, lorsqu'elle tombe, la gravité l'attire, donc une quantité d'énergie qui est perdue parce que ça se rapproche de la source de la gravité. Donc, cette énergie-là est transformée en onde qui, elle, va se perdre éventuellement. Ça va être transmis à toute la Terre. Donc, c'est retourné à sa source. Donc, finalement. Rien ne se perd et rien ne se crée. C'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu es un bon scientifique. Merci. C'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi je vous dis que l'énergie même, comme dans la balloune, comme sur l'eau, l'énergie qui est sur l'eau, les savants n'arrivent pas tout à fait à la comprendre, l'onde. Ils ont des théories, ils amènent des choses. L'énergie qui anime l'homme, ben ça ne sert à rien de la comprendre. Si l'énergie qui bouge, qui se promène sur l'eau, perdrait son énergie à essayer de comprendre ce qu'elle fait là, ben il n'y aura pas d'onde. Hein? Exactement comme si, justement, vous voulez limiter l'onde de l'énergie, ben l'énergie va être absorbée dans d'autres choses. Alors, ce qui fait que l'énergie qui vous anime, comprendre d'où elle vient, où elle va, puis qu'est-ce qu'elle fait, présentement, vous n'êtes pas apte à le faire, vous n'avez pas assez d'énergie pour le faire, pour pouvoir en gaspiller pour comprendre. Puis si vous voulez comprendre ça, vous gaspillez le peu d'énergie que vous avez pour comprendre une chose que vous ne pouvez pas comprendre. J'ai déjà expliqué, justement, que l'homme ne devait pas s'attacher à se poser des questions qu'il ne peut pas répondre. Parce que sans ça, toute l'énergie s'en va dans la tentative de la réponse, puis il n'y a pas de réponse, alors l'énergie se perd là-dedans. Pourquoi je suis au monde? Ben pour l'instant, vis donc, apprends donc ce que tu as à apprendre, parce que sans ça, tout ce qui va se passer, tu ne pourras pas l'apprendre, tu vas être trop occupé de demander qu'est-ce que tu fais là. Alors, pourquoi la mort? Vis donc. Parce que ton pourquoi, là, ben tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi, tu ne vois plus rien, tu te demandes pourquoi la mort. Bon, ça, tu vas comprendre ça quand tu vas mourir. Fait que pour l'instant, vis. Hein? Et pourquoi la vie? Ben, c'est pas en te posant la question, tu comprends pourquoi la vie, c'est en vivant. Bon, ben, c'est ça, vie là. Pourquoi on se pose cette question-là? Ça, j'expliquais ça l'autre fois avec, c'est trop long. Je ne veux pas qu'on revienne là-dessus, mais c'est trop long. Mais l'idée même du pourquoi, je n'ai parlé justement se libérer de la liberté. Puis c'est immense, c'est vaste, mais c'est trop long. Okay. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que l'énergie, elle est partout. L'homme peut en accumuler. Et en accumulant ces formes d'énergie-là, exactement comme si vous prenez une chandelle, c'est une forme d'énergie, disons la flamme. C'est une forme d'énergie qui est identique, mais absolument identique en forme d'énergie à l'incendie d'une ville, mais pas en intensité. On n'a pas le même résultat non plus. Par contre, si vous prenez 1 million de flammes sur 1 million de chandelles puis que vous les placez ensemble, ça va vous chauffer puis ça va chauffer loin. C'est la même forme d'énergie, mais pas avec la même intensité. Alors, on fait d'autres choses avec ces intensités-là. Puis, si on continue à augmenter la quantité de flammes, bien, on finit par créer une espèce de flamme qui va réussir à s'auto-générer tout seul. On appelle ça un soleil. Alors, vous voyez que c'est la même forme, mais à un moment donné, ça génère d'autres choses. Pourquoi? Parce que la quantité d'énergie qui se promène ensemble finit par vibrer d'une autre forme. Alors, ça crée d'autres formes d'énergie. Mais ça les crée de quelle manière? Par transformation des énergies primaires. Donc, parce qu'il est déjà là, ça se transforme. Il n'y a pas une création à partir de rien. Il y a une création à partir de rien seulement et seulement si rien veut dire énergie. Alors, automatiquement, ben c'est ça. C'est que nous autres, on accumule, puis quand on en a assez d'accumuler, on devient un soleil. Non seulement on rayonne, mais en plus, on est capable de générer nos propres énergies, puis on augmente donc toute la possibilité qu'a notre physique de recevoir encore plus d'énergie. On grandit dans sa capacité. On la raffine, puis on la solidifie. Alors, c'est la même chose avec votre cœur. Votre cœur, il est faible. Mais vous pouvez renforcer votre muscle cardiaque en épaisseur en faisant du tai chi, en force puis en rapidité, puis en grosseur, par exemple, en faisant du conditionnement physique. Le cœur reste le même, mais il y a une bonne différence entre un cœur d'une personne qui fait rien puis un cœur d'une personne qui est un athlète. Alors, le cœur, parce qu'il y a eu une énergie, alors il y a eu l'énergie de la nourriture, l'énergie du travail, une énergie qui va être la chaleur, qui va être l'énergie justement cinétique, l'énergie du travail. Alors, ce qui arrive, c'est que cette énergie-là, à force d'être là, ben, le cœur finit par se transformer. Et se transformant, le cœur peut absorber plus d'énergie. Donc, plus de sang, il peut en émettre plus. Les vaisseaux, en recevant plus de sang, finissent par grossir, ils peuvent en recevoir encore plus. C'est la même chose pour nos neurones, pour tout notre schéma électrique. Présentement, l'homme pense d'une façon qui est biochimique et qui est aussi, disons, bioélectrique. C'est-à-dire que pour pouvoir, là, c'est très complexe, ça vous donne une petite idée à ceux qui, mettons, connaissent un peu le travail des neurones, c'est que les neurones, il y a une polarisation chimique qui se fait, puis une dépolarisation par après, puis ça conduit nos informations au niveau de notre cerveau. C'est de même qu'on pense. Ça, c'est chimique. Et la psychomutation, la mutation psychologique, c'est une mutation dans votre matière astrale, mais aussi, c'est aussi une mutation dans votre psychologie physique, donc dans votre contexte cérébral, dans vos neurones. Ça, ça va faire quoi? Ça va faire simplement qu'au lieu de dépendre d'un métabolisme chimique que l'alcool va perturber, que différentes drogues vont perturber, parce que quand vous prenez de l'alcool ou des drogues ou des choses comme ça, bien évidemment, vous allez rajouter un produit chimique dans votre sang et rendu au niveau de votre cerveau, bien ça ralentit votre possibilité de réfléchir. Pourquoi? Parce que la réaction chimique qui permet la réflexion est transformée ou même annihilée par les différentes drogues ou différentes choses, substances que vous allez prendre. Alors, la transformation, c'est que plus il y a d'énergie qui va passer et plus vous allez pouvoir conserver, c'est là l'importance, plus vous allez pouvoir conserver votre énergie, ben vos neurones vont finir par travailler d'une façon totalement électrique. Ce qui veut dire, disons, en termes de chiffres, là, 1 milliard de fois plus rapidement que ce que vous faites présentement. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépendront pas d'une réaction chimique, ça va être simplement un courant électrique qui va se promener. Alors ça, c'est une mutation qui est psychologique, mais qui est physique. C'est une biomutation et une psychomutation. Ça va vous permettre, premièrement, alors il y a des individus, justement, qui sont présentement en psychomutation et en biomutation cérébrale. Et ces individus-là, j'en ai vu un, entre autres, qui, à un moment donné, a bu un peu trop d'alcool. Pour la simple raison, ben il est en mutation, il est pas muté, il a bu un peu trop d'alcool. Sauf que si tu parlais avec lui, ben il parlait un peu comme ça, normal. Mais il aurait pu faire une conférence comme la mienne à soir, ça aurait été aussi clair. Tout son schéma de pensée n'avait pas été atteint. Je discutais avec lui, puis tout était correct. Fait que même s'il était chaud, il était pas chaud. Son physique l'était, c'est-à-dire que ses muscles, puis tout ça, avaient de la misère à travailler. Parce que ça, c'est pas conscientisé encore. C'est un phénomène bioélectrique encore qui se fait là, chimio-électrique. Sauf qu'au niveau de son de sa matière cérébrale consciente, donc 1/10 de son cerveau, qui était présentement en transformation au niveau électrique, bien, la personne était correcte. Sa parole, la langue, sa bouche, tout ça avait de la misère à prononcer. Mais ce qui était prononcé était clair comme une personne absolument à jeun. Alors, l'énergie fait quoi? Ben l'énergie transforme. Alors, comme le cœur, en se transformant, peut recevoir plus d'énergie puis en transmettre plus, ben l'énergie qu'on peut accumuler, hein, la personne qui fait du jogging une journée, qui se repose pendant un mois, qui fait du jogging une journée, qui se repose pendant un mois, ben elle devrait pas faire de jogging, ça revient au même. Alors, si elle conserve pas l'énergie qu'elle ramasse, donc si elle additionne pas un sur l'autre, le corps physique commence à travailler, les muscles commencent à travailler quand il commence à être fatigué. Là, automatiquement, le seuil, disons, de limite physique étant atteint, bien, le cerveau doit travailler un peu plus fort pour pouvoir faire bouger les muscles, puis envoyer un peu plus d'énergie, un peu plus d'ondes, justement, de volonté, disons, pour le faire bouger. Et à partir de ce moment-là, le muscle se renforcit. Mais tant que vous n'arrivez pas à la limite physique, c'est-à-dire à la limite physique, à la sensation de fatigue, bien, votre muscle ne se renforcit pas. Alors, au niveau énergétique, c'est la même chose. Pour pouvoir comprendre plus, pour pouvoir, disons, évoluer, hein, le terme spirituel qu'on emploie souvent, pour pouvoir justement vous conscientiser, ben vous devez accumuler une forme d'énergie. Mais cette énergie-là, vous devez en accumuler par-dessus, puis en accumuler par-dessus. Si vous la perdez continuellement, ben ça fonctionne plus. Alors le cœur, comme le cœur, en l'accumulant, finit par en transmettre plus, ben notre énergie cérébrale, notre énergie, notre véhicule physique, notre véhicule vital, psychologique, astral ou mental, ben peut en contenir plus, automatiquement, il devient plus fort, devient plus prêt, il peut en recevoir plus, comme le cœur, et peut en transmettre plus. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, sauf qu'on accumule. Le sang qu'il y a de plus dans le cœur n'a pas été nécessairement créé, mais il y en a plus dans le cœur. Et puis, le corps fonctionne drôlement plus parce qu'il y en a plus. Alors, l'énergie, elle est partout. Et nous, on en accumule. Mais on en a besoin de pas mal plus que ce qu'on accumule normalement pour pouvoir réussir à monter notre schéma vibratoire. Pour revenir au sujet de la conférence sur la valeur, ici, je lirai pas mot à mot, là, je vais plutôt dégager l'essentiel de la question. Là, on suggère qu'il y a une certaine importance à pouvoir parler de nos valeurs, c'est-à-dire les mettre en mots, pour pouvoir les concevoir plus facilement puis mettre le couteau dedans. Autre, comme quoi, si on garde nos valeurs, parce qu'on dit ça, ça se discute pas, on la garde pour moi-même, on peut continuer à véhiculer cette forme-là sans pouvoir la travailler, puis on en pâtit finalement. Mais il y a une grosse différence entre une discussion et puis une obstination. Alors, de la discussion jaillit la lumière, et c'est vrai. Présentement, si on discute tous les deux, évidemment, si on a une discussion qui est honnête, disons sincère, dans le sens qu'on veut pas se prouver quoi que ce soit, qu'on veut mettre des choses sur la table, tu mets des choses sur la table, après ça, on regarde tous les deux, puis on regarde nos valeurs, ou on regarde nos concepts, ou on regarde nos idées, ou on regarde nos plans, dépendant de ce qu'on parle. Puis là, évidemment, on peut cheminer à l'intérieur de tout ça, puis on transforme, puis tu as raison, ça c'est mieux, puis on compare, puis en fin de compte, on transforme. Il n'y a aucune perte d'énergie là-dedans parce que vous ne remplissez pas un verre qui est transparent. Vous travaillez avec un individu qui peut travailler. Okay. Et si vous travaillez avec un individu qui, lui, ne veut rien savoir, ça ne vous sert à rien. Hein? Vous ne vous couperez pas plus vos valeurs en essayant de convaincre autrui qui ne veut pas être convaincu. Ça allait simplement vous convaincre plus, vous autres encore, que lui, c'est un cave puis que vous avez raison. Alors, si on travaille d'une façon intelligente, la discussion, c'est extraordinaire. La parole, c'est ce qui va sauver l'humanité. Hein? C'est ce qui va permettre justement à vos idées de pouvoir être claires. Mais pour ça, il faut les étaler, la parole, par écrit ou non par oral. Mais il faut faire ça avec un individu avec lequel on peut le faire. Ça rejoint un petit peu sa deuxième question qui dit « Je pense que dans la vie, la confrontation est essentielle. Qu'en pensez-vous? » La confrontation, c'est probablement de pouvoir actualiser nos valeurs pour mieux les détruire, en fait. La confrontation, disons que là, je vais prendre le mot de deux manières. Les deux confrontations sont absolument essentielles. Il y en a un, justement, qui fait... qu'on fait, par exemple, vous êtes venu ici ce soir, il y a des petites choses qui ont peut-être été nouvelles ou qui sont venues heurter un peu vos idées. C'est une confrontation. Vous ne perdrez pas d'énergie dans cette confrontation si vous n'essayez pas de vous convaincre que j'ai tort. Hein? Si vous pensez que vous avez raison, vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de lutter pour. Si vous luttez pour, laissez mon nouveau concept pénétrer en vous, puis laissez-les cheminer ensemble, puis ils vont se placer tout seuls. Le vôtre va mettre le mien à porte, le mien va mettre le vôtre à porte, ou les deux vont se fusionner, c'est intelligent. Bon. Ça veut dire simplement que vous prenez conscience, effectivement, qu'il y a un heurt, puis c'est tout. Mais mettez pas d'énergie là-dedans. Sans ça, pourquoi vous êtes venu ici asseoir? C'est déjà pas pour refuser tout ce qui est dit par l'orateur. Alors, ce qui fait que, évidemment, la confrontation, si moi je parle, puis que lui m'amène une idée nouvelle, on en discute. Une confrontation qui n'est pas une perte d'énergie, à la condition que ce soit l'intelligence qui fasse cheminer la confrontation ou la discussion. Mais quand ça devient un schéma émotif, c'est-à-dire que là, je veux avoir raison, un instant, là, tu comprends pas, puis à un moment donné, c'est mon ego. Bref, je commence à mettre mon énergie sur la défense de ma valeur. Là, ma valeur, elle est sans valeur, puis là, je perds de l'énergie. L'autre confrontation, qui est absolument utile, parce qu'elle va t'apprendre qu'elle est inutile, puis elle est utile, pourquoi? Parce que présentement, on est pris là-dedans. C'est la grosse confrontation que tout à l'heure je parlais, celle de vouloir défendre nos valeurs à tout prix, de vouloir s'astiner et de perdre toute notre énergie là-dedans. Celle-là, elle est utile parce qu'à un moment donné, elle va vous apprendre à arrêter de faire ça. Puis comme on le fait, c'est utile, justement, qu'on continue à le faire pour qu'on comprenne. Si vous arrêtez de faire ça parce que je l'ai dit, vous êtes sans dessein. C'est bien simple, vous êtes sans dessein. Ça vaut pas la peine de venir ici. Pourquoi? Parce que vous devez le faire, parce que vous le comprenez. Alors, vous allez continuer à vous astiner, à voir des choses, puis observer ce qui se passe. Vous le faites immédiatement, vous observez, et puis d'après vous, ça a de l'allure. Pas parce que je le dis. Hein? Bon, alors automatiquement, la confrontation va vous amener justement, à un moment donné, à voir que ça sert à rien. Puis ça, peut-être que juste ici ce soir, vous pouvez faire le cheminement puis voir effectivement que ça sert à rien. Vous allez quand même de temps en temps vous surprendre d'être en train de vous confronter, donc de vous battre pour vos valeurs. Puis là, c'est ça, observez ce qui se passe, vous allez bien avoir perdu votre temps. Combien de personnes vous avez essayé de convaincre que vous aviez raison à propos de vos valeurs qui ont été convaincus puis qui sont restés convaincus? Regardez l'énergie que vous avez mis là-dedans puis regardez si ça a été utile de les convaincre. Hein? Ouais. Puis on peut aussi se dire combien de personnes qu'on a convaincues, puis que ça a donné. C'est ça. Puis une autre chose avec, c'est que si moi je veux convaincre Michel, la confrontation, c'est-à-dire le fait de discuter de mes valeurs, je peux plus le faire avec lui. Parce que lui est complètement convaincu et assujetti à moi. Si je dis que c'est blanc, il va dire oui. Je ne pourrai jamais vérifier si c'est blanc. Je me trouve un autre mec qui va m'astiner un peu. Hein? Alors, ce qui fait que convaincre quelqu'un de nos valeurs, c'est perdre une possibilité d'évoluer. C'est perdre une possibilité extraordinaire d'apprendre. Lui, il est pur, moi, je suis pur, vous êtes pur comme qu'on est. Puis quand on fait, comme lors du séminaire, il y a beaucoup d'obstination, ça y va, ça passe aux toasts. Moi, je veux pas avoir raison. J'ai raison. Pour moi. Ah. Puis le monde, ils ont leur raison pour eux autres, puis ils ont leur raison. Puis on sort, puis il se passe des choses. Puis bon, ben, mettons que moi, j'ai des affinités à pouvoir faire brasser des affaires. Et puis à un moment donné, ben c'est ça, il se passe de quoi. Mais si tout le monde qui vient à mon séminaire, ils se mettent tout à plat ventre, puis ils font des salam, puis ils sont tous bien convaincus que j'ai raison, ben ils vont avoir un maudit problème, parce que quand ils vont se faire arroser avec mon verre d'eau, ils vont se demander qu'est-ce qu'ils font là. Bon, alors c'est ça. C'est que si on veut discuter, ben faut pas qu'on se convainc. Si je veux convaincre Michel, ben je mets mon énergie dans ma valeur, puis je perds mon énergie pour rien. Puis si on veut discuter intelligemment, la confrontation, disons, qui est intelligente, parce que l'intelligence mène la confrontation, la discussion, ben là, c'est adéquat. Si on n'est pas d'accord sur des points, on reste aussi chum, on n'a pas besoin d'être d'accord. Pas une nécessité qu'on soit d'accord. J'ai pas besoin qu'il m'accrédite pour m'accréditer moi-même. Moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Il m'amène des nouveaux points, moi, y réfléchir. S'il me traite de cave parce que je le crois pas, c'est lui qui est cave, parce que lui, il se croit tellement pas qu'il faut que moi, je le croie pour que lui se croie. Hein? Faut qu'il me convertisse. Pour moi, il est cave là-dedans. C'est pas parce qu'il dit que je suis en dessin qu'il faut que j'y prouve que je le suis pas. Je le suis en crime en voulant prouver que je le suis pas. C'est par rapport à moi qu'il faut que je m'observe. Pas par rapport à ce qu'autrui vont penser de moi. Hein? Alors, ce qui fait que, ben, c'est ça. Mais j'ai pas à convaincre parce que si je vous convainc que j'ai raison, je peux plus discuter avec vous autres après. Je peux plus rien tirer de vous autres. Je peux plus apprendre avec vous autres. C'est encore une manœuvre de l'ego qui veut se justifier. Étant donné son insécurité, il veut avoir l'approbation des autres, puis il se sent bien, mais ça n'a rien à voir avec le réel. C'est juste une l'approbation, tu es toujours en quête de l'avoir. Parce qu'il y a toujours des individus, à un moment donné, qui vont être contre. Puis si tu es d'accord avec moi un jour, tu te transformes comme un pissenlit, il vient à un moment donné que faut encore que je ramasse ton approbation. Alors, je suis toujours en quête de le faire. C'est une valeur absolument inutile et absolument futile. Alors, ce qui fait que c'est ça. La confrontation, si elle reste seulement au niveau du fait qu'on discute intelligemment, même si la discussion est animée, mais qu'on sait ce qu'on fait, on veut comprendre de quoi, on veut cheminer à un moment donné, c'est correct. Mais je ne suis pas pour rien vouloir, ben non, puis commencer à embarquer ma psychologie. Discernez bien quand vous faites une confrontation, si c'est intelligent, ben non, c'est psychologique, c'est astral, émotif. Si c'est dans le côté astral, émotif, perdez de l'énergie. Perdez complètement votre énergie, oubliez tout ça, arrêtez tout, donnez-moi un coup de pied sur le pied, faites de quoi, achetez mon petit bloc de ciment pour vous taper la tête dessus. Quelque chose, mais arrêtez-le, vous perdez l'énergie inutilement. Va en vendre des blocs de ciment, je suis sûr que ça va se vendre. En miron, c'est dans la balance. Miron, hein. Alors c'est ça, la confrontation, elle est bonne à la condition que c'est une discussion menée par l'intelligence et non pas par la psychologie. On va passer à une autre question. Ça a l'air à ça. Et papy, celle-là. Quand on fait ce que l'on a à faire, on n'a pas de valeur, on est une valeur. Hey, ça a de valeur, ça. C'est-tu de valeur? Alors, quand on fait ce que l'on a à faire, on n'a pas de valeur, on est une valeur. Ben, t'es une valeur, mais à la condition que tu ne penses pas que t'es une valeur. Parce que si tu mets d'énergie pour te prouver que t'es une valeur, tu perds ton énergie encore une fois. C'est comme la personne qui est modeste. Là, je fais un petit retour sur la personne qui dit qu'il y a une valeur. Là, si à un moment donné, vous dites, hey, c'est vrai, j'ai de la valeur. Moi, tu sais, je suis modeste, hein? Je suis modeste, puis je m'en vante, hein? C'est ça. Alors, quand vous arrivez que vous êtes modeste, puis que vous le savez, ben si vous continuez à faire de quoi, c'est vrai, moi, continuez à faire ça, tu sais, je suis modeste. T'sais. On dit souvent, c'est une des valeurs de la spiritualité évolutionnaire, c'est qu'il faut être humble. C'est une valeur, il faut être humble. Alors, je vais être humble. Ben t'es mal parti en tabarouette, parce que justement, tu veux faire de quoi pour qu'on pense de toi que tu es humble. Alors, vu que tu veux faire de quoi pour qu'on pense de toi que t'es fort, que t'es bon, ou que t'es humble, ben t'es pas humble. Hein, t'es modeste, puis tu t'en vantes, c'est exactement ça. Alors, moi, je suis modeste, moi, c'est pas possible. C'est ça. T'sais? Alors, ce qui arrive, c'est que au niveau des valeurs, ben c'est ça. Si moi, je suis une personne qui a de la valeur, parce que j'ai pas de valeur. C'est bien de valeur, mais t'es une valeur sans valeur. T'sais? Alors, ce qui arrive, c'est ça. Quand on fait ce qu'on a à faire, la justice ou encore la vérité de faire ce qui est juste, la justice, c'est de faire ce qui est vrai. Ouais, c'est vrai, puis c'est faux. Pourquoi? Parce que si c'est l'intelligence qui vous fait faire ce que vous avez à faire, ben faites-le. Si c'est votre psychologie, ben vous allez le faire de toute façon, hein, parce que vous êtes manipulé par votre psychologie. Sauf que, ben c'est ça le problème. C'est que qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, j'ai à convertir la terre entière que j'ai raison. Fait que c'est ça que j'ai à faire. Ben, je le fais, puis je suis correct, puis je suis une valeur. Mais c'est parce que qu'est-ce que tu as à faire? Ben si tu ne sais pas ce que tu as à faire, parce que tu n'es pas apte à le faire, et ce que tu penses que tu as à faire, c'est toi qui décides ça. Ben, t'es bien mal pris. Parce que moi, je décide de ce que j'ai à faire, donc ça devient ce que j'ai à faire, donc ça devient un concept de ce que j'ai à faire, donc ça devient une valeur, parce que si on me dit c'est pas ça que j'ai à faire, m'astiner que c'est ça que j'ai à faire, puis je perds encore mon énergie. Quand c'est psychologique, quand c'est au niveau de votre émotivité, Si c'est une mission que vous avez à faire, bien, faites-la si vous voulez, mais c'est complètement astral, parce qu'il n'y a pas de mission que vous avez à savoir à un moment donné que vous avez à faire. Une mission, vous la faites ou vous pensez la faire. Puis quand vous pensez la faire, c'est astral, c'est, ça vient de vos schémas psychologiques, puis ça, c'est quelque chose que vous-même vous donnez à faire. Puis quand c'est quelque chose que vous faites, par hasard, bien, ça, c'est l'intelligence qui vous donne les éléments dans la vie pour vous faire passer là. C'est ce que vous, vous appelez votre mission. Mais c'est, sinon, si c'est vous qui devez travailler pour mettre les éléments de la vie, pour pouvoir faire votre mission, bien, vous travaillez à l'encontre de la vie. Puis en travaillant à l'encontre de la vie, vous ne faites pas les volontés du Père, vous faites les vôtres. Puis tant que vous allez faire les vôtres, bien, vous allez peut-être faire ce que vous pensez que vous avez à faire. Puis c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes une valeur dans ce temps-là. Mais si vous vous laissez aller, hein, si vous vous enfargez sur une roche, ben vous vous enfargez sur une roche. Mais si vous décidez que vous devez vous enfarger, vous placez une roche, vous vous enfargez dessus. Ben c'est ça quand on veut se faire une mission. Quand j'en parle de même, ben vous allez dire le gars qui fait ça, il est stupide. Mais quand on décide nous-mêmes de ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on est, on est stupide. On est stupide, ben comme le gars qui se met une roche puis qui décide de s'enfarger dessus parce que le gars il avait de quoi apprendre en s'enfargeant sur une roche. Il apprendra rien comme ça le gars. Alors on a, quand on fait ce qu'on a à faire, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas de valeur. On n'a pas, on veut pas rien défendre. Mais si tu m'attaques puis que moi, je décide qu'il faut que je défende ma valeur, c'est votre émotivité qui décide ce que vous avez à faire, donc c'est vous. Puis comme c'est vous, ben vous allez encore à l'encontre de la vie. Alors ça, cette phrase-là, c'est une phrase qui est vraie puis qui est fausse, puis qui est tellement dangereusement vraiment fausse que c'est préférable de l'oublier. Quand on fait ce qu'on a, ce que l'on a à faire, juste ça. Mais êtes-vous capable de discerner ce que vous avez à faire de ce que vous voulez faire? Si vous n'êtes pas capable de le discerner, bien, oubliez cette phrase-là, vous n'êtes pas prête. Parce que si vous n'êtes pas prête à le discerner puis que vous prenez cette phrase-là, votre psychologie astrale va s'en emparer puis elle va vous manipuler sans problème parce que vous n'êtes pas capable de discerner que c'est ça. Alors, vous allez penser que c'est l'intelligence ou que c'est Dieu, puis vous allez faire un paquet de cossins absolument idiots, vous allez perdre vos énergies au détriment de l'astral. Ou vous allez faire comme certains, justement, qui ont assassiné leurs femmes, leurs enfants, parce que c'est Dieu qui commandait en eux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient manipulés par le mauvais bâton. Hein? Alors, si vous pouvez pas discerner, ben, oubliez ça. Il y a bien des belles phrases philosophiques et spirituelles qui sont vraies, mais qui sont dangereuses, parce qu'elles peuvent pas être vraies pour la masse, pour la majorité des individus. Puis si vous avez besoin d'un leitmotiv sous forme d'une phrase pour pouvoir vous diriger, c'est que vous êtes pas ça. Vous n'êtes pas prête. Alors, le leitmotiv devient un danger. Celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. Ouais. Ça veut dire que toi, si tu sais rien, parle pas, ils vont tout penser que tu sais tout. Et le gars qui parle, lui, ben lui, il sait rien parce que la belle phrase, ça vient dire de quoi? Tu sais? Non, le gars qui réellement sait, ben il sait quand il doit parler puis quand il doit pas parler. Il n'y a pas besoin d'avoir une phrase pour lui dire quoi faire. S'il y a besoin d'une phrase pour lui dire quoi faire, parce que le gars, il est dans sa psychologie astrale, le gars, il est pas dans l'intelligence. Le gars a besoin de mémoires de temps en temps qui viennent diriger sa vie. Donc, qui viennent manipuler sa vie. Et si ces mémoires-là, ces belles phrases-là, ben vous manipulent du mauvais côté, ben vous allez du mauvais côté, sans savoir. Alors, celui qui va vers Dieu, ben Dieu l'accueille. Celui qui va vers la justice l'accueille. Celui qui va vers la paix l'accueille. Celui qui va vers la perte l'accueille. Alors, pensez-y avant de prendre des leitmotivs comme ça. Ça vous empêche de réfléchir. Hein? Ça vous fait pas réfléchir. Vous avez votre belle phrase, vous la répétez, puis c'est fait. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Comme à l'époque, quand on disait, tu peux pas comprendre, les voies de Dieu sont impénétrables. Ah, ben c'est vrai, les voies de Dieu sont impénétrables. Ça veut dire, réfléchis pas. Si tu réfléchis, tu peux comprendre. Fait qu'en comprenant pas, ben t'es inférieur à moi. Ben t'es inférieur à moi, ben je suis supérieur à toi. Fait que je reste celui qui dirige. Mais belles phrases comme ça, c'est bon, de temps en temps, dans certaines situations, parce qu'on appelle ça une parabole ou un koan. Là, c'est bon, parce que quand c'est donné, ou quand c'est lu, juste au bon moment dans votre vie, ça brise une forme. Répétez la pu après, parce que c'est ça qui va remplacer la forme qu'elle a brisée. Alors, une parabole ou un koan, ça brise une forme. Puis quand la forme est brisée, attachez-vous pas au koan ou à la parabole. Trouvez-la pas belle. Parce que la forme que ça a brisée, maintenant, votre énergie, vous la mettez là-dedans, ça remplace la forme. Perdez votre temps, encore une fois. La parabole sert à être dépassée, non pas à être poignée dedans. Oui. Tout ce qui libère doit être libéré de la chose même qui libère. Sans ça, ça n'a pas libéré, ça l'a transformé, ça t'a juste tossé ailleurs. Alors, c'est bien, bien, bien important. C'est vrai que quand on fait ce qu'on a à faire, on n'a pas de valeur, à la condition que ce qu'on fait, c'est ce que l'intelligence nous dit de faire. Puis qu'est-ce qui est intelligent de faire? C'est quand tu as soif, puis qu'il y a de l'eau, bien, bois. Ça, c'est intelligent. Puis quand tu as soif, qu'il n'y a pas d'eau, change d'idée, parce que là, c'est plus intelligent. L'être qui est, a-t-il des valeurs? L'être qui est, probablement l'être qui est conscientisé. Là. Alors, explique-moi pas ça. Je fais ça. L'être qui est, a-t-il des valeurs? Ben, l'être qui est. Être, c'est quoi? Je dis souvent que quand on pose une question, c'est bon, parce que ça nous permet de la relire, puis la réponse est dans la question. Tout ceux-là, c'est comme ça, mais là, ici, là, je m'arrête encore là-dessus. C'est pourquoi qu'il faut vous poser des questions. Mais la personne qui a posé la question, là, je la répète, puis je lui pose la question. Moi, la réponds après, là, mais qu'elle essaie de voir ce que ça donne. L'être qui est, a-t-il des valeurs? Bon. Une valeur, être pur, c'est une valeur. Être bon, c'est une valeur. Être fou, c'est une valeur. Dépendant de ce dans quoi on met notre importance. Mais vous savez que si on met notre importance dans quelque chose, c'est qu'on la met pas dans tout. Parce que si on la mettrait dans tout, on n'aura pas de valeur. On dirait pas que je suis beau, je suis fin. Parce que si t'es beau, c'est que t'es pas laid. Donc, tu mets ton importance dans quelque chose, ça veut dire que tu ne mets pas dans tout. L'être qui est, ben, il est pas bon. Il est pas beau. Il est pas quoi que ce soit, il l'est. Il est sous-entend qu'il est. Il est tout, tout. Puis il est même plus que tout. Il est. Alors, y a-t-il des valeurs? Ben, s'il est beau, il est pas tout. Puis s'il est pas tout, il l'est pas. Or, l'être qui est, ben, c'est évident qu'il n'y a pas de valeur. Nous autres, on peut lui donner des valeurs. Parce que nous autres, on s'en fait un leitmotiv, on s'en fait un concept, puis on décide que c'est notre but à atteindre, puis le but doit être beau, parce que sans ça, on ne démarcherait pas vers le but si le but serait laid. Puis on lui donne des valeurs, pourquoi? Ben, c'est pour pouvoir communiquer aux autres qu'on n'est pas sans dessein. Que c'est beau d'aller vers ça. Mais l'être qui est, il n'y a pas de valeur, l'être qui est. Parce qu'il sait même pas qui est, premièrement. Vu qu'il est tout, il n'est pas rien qu'une parcelle, il n'y a pas besoin d'un miroir. Quand vous autres, vous savez que vous êtes là, c'est parce que vous vous voyez par rapport à l'extérieur, ou donc par rapport à un miroir. Si vous êtes aussi le miroir. Alors si vous êtes, vous ne savez pas que vous êtes. Puis c'est ça qui est l'état divin. L'état que tout le monde essaie de réussir à trouver, mais que le monde a peur. Quand on dit justement que la tentation suprême de traverser le miroir, c'est aussi la peur suprême de le faire. Ben c'est ça. L'homme, il veut devenir. L'homme, il veut être. Mais l'homme veut savoir qu'il est. Parce que l'homme, s'il ne sait pas qu'il est, il ne pourra pas jouir du fait qu'il vient d'aboutir. Mais qui va jouir du fait qu'il vient d'aboutir, sinon l'ego, qui est l'entrave à l'état d'être? Donc, automatiquement, si vous voulez être, puis que vous voulez le savoir, ben vous ne pouvez pas être. Parce que celui qui veut le savoir, c'est l'ego, puis c'est lui qui vous empêche de être. Alors ça, c'est vrai. Mais c'est loin encore. Avant que l'homme arrive à être totalement, l'homme, la masse, ben c'est loin. Mais c'est pas grave, vous pouvez être, disons, mieux et de plus en plus mieux. Mais qui arrive à être? On n'arrive pas à être au bout de 2 millions d'années d'évolution. Ça, c'est pour ceux qui perdent le temps, pour nous autres, ça. Être, c'est quoi? C'est que être, c'est instantané, être. Être, c'est quand on finit par sortir de la manipulation du temps et de l'espace. Alors, on n'a plus de mémoire. On n'a pas besoin de mémoire. Si on a une mémoire, on est assujetti à ce qu'on a en mémoire, donc l'extérieur, on ne le connaît pas. C'est pas être. Quand on parle souvent qu'à un moment donné, il y a une intelligence active qui descend dans l'homme, on l'appelle aussi esprit, énergie supramentale, mental supérieur, on l'appelle aussi, certains vont l'appeler Dieu. Alors, il y a tellement de synonymes. Cette énergie-là, c'est le savoir instantané. Le savoir instantané, c'est quoi? C'est parce que quand vous êtes en contact avec ça totalement, vous êtes. Alors, vous n'avez pas besoin de mémoire pour savoir. Parce que vous êtes tout. Étant tout, vous savez tout. Sauf que vu que vous n'êtes pas en fusion complète et totale avec les corps qui sont supérieurs à l'énergie supramentale, bien, automatiquement, vous allez non pas être tout en termes physiques, mais en termes de votre conscience, vous allez réussir lentement à être conscient de tout. Alors, vous allez avoir une bilocation, c'est-à-dire que vous allez travailler sur différents plans, pas juste sur le plan de la matière. Présentement, l'homme travaille sur deux plans. disons, consciemment, l'homme est déjà en bilocation, c'est-à-dire que l'homme est bilocalisé. L'homme travaille sur deux plans. L'homme travaille au niveau du plan matériel, on peut le constater, facilement, mais l'homme travaille aussi au niveau du plan astral, au niveau du plan psychologique. Quand vous dormez, vous faites des rêves. Certains font des voyages astrales qui vont être plus utiles, mais vous faites des choses dans le plan astral. Et c'est ce qui est fait dans le plan astral est mémorisé dans le plan astral et appartient maintenant à l'astral planétaire qui vous manipule et qui manipule les nations. Mais quand vous réfléchissez, un travail astral, un exemple de travail astral, disons, dans le domaine de la conscience, c'est des individus qui vont se réunir, qui vont, par exemple, faire une chaîne magnétique et qui vont émettre un égrégore de pensée, une forme pensée, dans le but de faire quelque chose. Ça, c'est un travail dans le plan astral. Mais l'homme, présentement, avec le fait de réfléchir, travaille dans le plan astral. L'homme est déjà bilocalisé dans son évolution. L'homme a deux endroits où il vit, consciemment. Dans le domaine de la matière, moins consciemment dans le domaine du vital, mais qui est intimement relié à la matière. Et l'homme travaille dans le domaine de l'astral, intimement dans le domaine du mental, mais qui est relié à l'astral. Donc, l'homme travaille dans deux endroits, dans deux régions du monde des évolutions différentes. Le domaine de la matière, incluant le vital, et le domaine de l'astral, incluant le mental. Mais prochainement, l'homme va être trilocalisé. L'homme va travailler aussi au niveau de l'énergie active, donc de l'intelligence active, du savoir instantané. Mais ce qui fait que vous allez avoir un corps physique, vous allez avoir une conscience astrale, mais votre intelligence va dominer tout ça. C'est pas votre émotivité qui va dominer. Alors, vous ne fabriquez pas des armes parce que vous allez avoir peur. C'est pas votre émotivité qui va dominer. Vous allez être intelligent dans le sens intelligence supramentale, votre ajusteur de pensée, votre Saint-Esprit va être capable d'ajuster ça comme il faut, et vous allez être dans un état de trilocation. C'est beaucoup plus que la bilocation, mais c'est l'état que l'homme va vivre prochainement. Et cet état-là, c'est quoi? Ben c'est ça, c'est simplement l'énergie qui est différente, qui vient vous manipuler. Manipuler, mais là, c'est le bon bâton ou c'est le bon bout du bâton qui vous manipule. Être manipulé par le diable ou être manipulé par Dieu, ben évidemment, on peut acheter un billet de loterie puis voir ce qui va se passer. Puis on peut décider nous-mêmes. L'homme lui-même, dans sa trilocation, donc dans l'énergie justement qui commence à pénétrer en lui et qui va pénétrer de plus en plus, si l'homme accumule l'énergie au lieu de la disperser, bien évidemment, cette énergie-là, à un moment donné, va faire en sorte que l'homme va arriver à un état d'être. Mais cet état-là, c'est un état d'être humain. Alors, ça reste un état d'être dans le plan humain évolutionnaire de l'homme, donc de l'homme individuel pour commencer. À un moment donné, c'est la masse qui va arriver à l'état d'être. C'est-à-dire que l'état d'être par excellence, vous n'avez pas de corps physique. Parce qu'ayant un corps physique, vous avez une identification qui est limitée dans un véhicule physique. Dans le domaine de la matière, vous êtes vous parce que vous n'êtes pas autrui. Donc, automatiquement, il y a une séparation entre vous et l'extérieur. Et automatiquement, vous n'êtes pas intégralement. L'homme va commencer à être dans le plan supramental. Et par après, par amour vibratoire, l'homme va finir par être dans le plan mental, dans le plan astral, dans le plan vital et dans le plan physique. Et quand l'homme va être dans le plan physique, ben l'homme va être en communication avec les états d'esprit qui sont supérieurs au plan supramental, puis automatiquement, l'homme va devenir ce qu'on appelle l'univers ou ce qu'on appelle Dieu. Bon, ça, c'est pour vous donner une idée du cheminement. Présentement, l'état d'être humain, alors lorsque l'on est, on n'a pas de valeur. Lorsque l'on est humain, donc avec notre corps physique compte toujours, bien effectivement, on n'a pas de valeur non plus. Parce que l'intelligence supramentale ou l'intelligence divine ou l'intelligence active, l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice, elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas de mémoire. Qu'est-ce qui vous donne de la valeur? C'est de la mémoire. C'est juste votre psychologie astrale. Et d'ailleurs, la valeur n'est que dans l'énergie astrale. Et c'est pour ça que prendre de l'énergie intelligente, de l'énergie, disons, mentale ou supramentale, pour pouvoir la canaliser dans une forme astrale, ben, c'est une perte d'énergie. Voyez-vous, normalement, le schéma évolutionnaire de l'homme est dans la prise d'énergie qui vibre lentement. On commence avec l'énergie matérielle, la matière, et dans l'accélération de cette énergie-là pour pouvoir subtiliser la matière, la rendre de moins en moins épaisse, la rendre de plus en plus subtile, donc d'augmenter son rythme vibratoire. Et plus on augmente le rythme vibratoire, justement, d'une énergie qui est basse, plus on augmente ce rythme-là, bien automatiquement, on va purifier, on va diviniser, on va spiritualiser la matière ou l'énergie vibratoire basse ou l'homme. Mais prendre de l'énergie supramentale ou prendre de l'énergie active, et puis s'en servir pour pouvoir faire vivre une émotion astrale, c'est quoi? Ben, c'est prendre une énergie qui est déjà hautement vibratoire et diminuer son rythme vibratoire pour pouvoir l'adapter à une émotion ou à une valeur astrale. Ça, c'est exactement le plan d'involution. Et c'est ce que l'homme s'est évertué à faire il y a quelques milliards d'années. Alors, c'est pas, faut pas qu'on continue à faire ça. L'énergie intelligente ou l'énergie hautement vibratoire qui pénètre dans l'homme ne doit pas être rabaissée. C'est l'énergie qui est épaisse qui doit être subtilisée. Donc, on doit augmenter son rythme vibratoire pour pouvoir la rendre subtile. Et là, c'est une évolution. Mais ça, on fait ça comment? En conservant nos énergies. Parce que l'énergie supramentale ou l'énergie divine ou l'énergie du Saint-Esprit ou de l'ajusteur de pensée, ou comme vous voulez l'appeler, cette énergie-là qui vient, qui vibre rapidement, elle se perd comment? Bien, elle se perd seulement si elle est transformée ou si elle n'est pas utilisée. Alors, si l'énergie rentre dans un verre et elle sort, elle n'est pas utilisée. Si vous la transformez, elle, cette énergie-là, bien, vous rabaissez son rythme vibratoire. Pourquoi? Parce que le transformateur qui est vous, n'est pas en vibration supérieure à l'énergie supramentale ou à l'énergie active. Donc, n'étant pas supérieure, si vous la transformez, vous la rabaissez. Et la rabaissant, ben vous la gaspillez. Et la gaspillant, ben vous évoluez pas, ou très peu. Si je prends comme exemple la lumière du soleil dont on va abaisser le taux vibratoire en l'accumulant dans une pile solaire pour pouvoir faire un travail mécanique, on a diminué son niveau vibratoire, mais ça fait un travail utile, finalement. Ça fait un travail utile, présentement. Mais si tu prends, ça fait un travail utile exactement comme quand on disait, si je prends une cheminée, puis je fais un feu, puis je fais une usine, ça, ben pour pas intoxiquer personne, je l'envoie dans l'air. C'est utile, l'air. Oui. Tant que tu as assez d'air. Canalise toute l'énergie du soleil pour en faire de l'électricité, puis c'est plus utile. Une pollution de l'énergie solaire. Alors, c'est la même chose. Présentement, c'est utile parce que ça paraît tellement pas. Comme la première cheminée, la première industrie qu'on a bâtie, ben ça polluait pas. C'était propre, ça polluait, mais personne ne le savait parce qu'il y avait de la place pour en mettre. Mais quand on n'a plus de place pour en mettre ou quand il n'y a plus d'air pur, tu ne peux pas polluer de l'air qui est pollué. Alors, l'énergie du soleil, c'est la même chose. Mais il faut remarquer aussi que cette énergie solaire-là, qui vient être transformée en électricité, si tu veux, par exemple, travailler au niveau de ta peau, ben tu dois la retransformer en énergie ultraviolette, cette électricité-là. Tu dois la retransformer en énergie lumineuse. Tu dois, par exemple, on a des communications à l'intérieur de la fibre optique. Alors, c'est tellement mieux que l'électricité que là, on est rendu qu'on essaie de faire des ordinateurs qui vont travailler comme ça et des réseaux de télécommunications qui vont travailler avec la fibre optique. C'est la lumière qui se promène là-dedans. Parce que l'électricité est tellement bâtarde, tellement comparée à la lumière, qu'en fin de compte, on veut recréer la lumière à partir de ce qu'on a. Mais présentement, on peut prendre la lumière et la transformer en électricité parce que dans notre plan évolutionnaire matériel, c'est utile. Ça devient parce intelligent. Qu'il y a assez de lumière. OK, ça devient intelligent, donc il n'y a pas de perte. De le faire présentement, oui. Mais au niveau de l'homme, ou par exemple, si l'homme est rendu à un point tel que l'homme n'a plus besoin d'électricité, puis que tu continues à prendre l'énergie lumineuse de l'homme ou du soleil pour en faire de l'électricité, ben là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu recommences ton évolution. Alors, présentement, c'est bon, mais c'est bon juste pour ça. Comme l'homme lui-même peut, l'homme crée de l'électricité. Et on peut se servir de cette électricité-là pour faire de quoi? Mais c'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des formes d'énergie supérieures à l'homme à l'extérieur qu'on ne se sert pas de l'homme. Bon, mais présentement, c'est ça. Prendre de l'énergie très, très limitée, supramentale, qui descend en vous et la transformer en énergie astrale, c'est une aberration évolutionnaire. Si vous étiez en parfait contact avec l'énergie supramentale, comme on l'est présentement avec le soleil, puis en transformer une certaine partie pour en faire de l'électricité, ça dérangerait personne. Pourquoi? Parce que vous seriez en plein contact avec l'énergie supramentale, comme on l'est avec le soleil. Mais si vous êtes dans une maison, vous n'avez qu'un petit trou d'aiguille par lequel rentre la lumière, puis que vous bouchez ce trou-là en mettant une cellule photoélectrique pour faire de l'électricité, pour faire de la lumière, pour t'éclairer, ben c'est con. Alors, c'est ça. Pour enchaîner avec celui-là ici. Juste un petit résumé, un petit... Okay. Je pense donc je suis. Je suis veut dire l'état d'être. Alors, je pense donc je suis. Ça, c'est faux. Je pense donc je ne suis pas. Et quand je ne pense pas, je suis. Bon. Puis quand on a dit à l'époque, je pense donc je suis, c'est l'ego qui parlait. Et effectivement, l'ego, quand il pense, il est. J'ai déjà expliqué que le penseur avait comme travail de penser et que le penseur n'existe pas s'il ne pense pas et que la pensée n'existe pas s'il n'y a pas un penseur pour la générer. Donc, que le penser, c'est la penseur. Je pense, donc je suis, et c'est simplement la synthétisation de ce que je dis, de ce que j'avais dit à la dernière conférence, mais ça, c'est l'ego qui s'exprime. Je pense, donc la pensée, elle pense. Mais c'est ça. Je pense, donc je suis. Mais en réalité, si on revient à l'état d'être, je pense, donc je ne suis pas. Parce que tant que je pense, c'est pas l'état d'être. C'est une forme d'énergie qu'on exprime. Alors, quand vous ne penserez pas, vous allez être, mais vous le saurez pas. Prépare-toi. Quelle est la valeur de l'amour? Ce qu'on veut y donner. Tu vois? Alors, tout le temps préparé, c'est une réponse. Je peux expliquer un peu, mais c'est ça que la réponse. Si vous devez défendre l'amour, voyez-vous, vous pouvez passer votre vie à aimer, puis à quêter l'amour, puis à en donner. Puis être malheureux parce qu'on n'en donne pas assez, ou être malheureux parce que le monde ne veut pas en recevoir, ou être bien des choses. Mais en attendant, vous ne comprenez pas c'est quoi l'amour véritable. On a déjà expliqué ultérieurement c'était quoi l'amour. Il y avait l'ombre de l'amour chez les humains, l'amour égoïque, l'amour qu'on connaît. Et puis il y avait le véritable amour. Mais la valeur de l'amour, si cet amour-là a tellement de valeur que vous êtes prêt à souffrir pour, à passer votre vie à en chercher puis à pas en trouver, puis à vouloir en donner puis à vouloir faire revenir dans le visage, puis à être heureux de temps en temps puis avoir peur de perdre ce bonheur-là, d'avoir peur de perdre la possibilité que vous avez d'exprimer votre amour, donc d'avoir peur d'être encore malheureux. Mais cela a assez de valeur pour que vous puissiez prendre toutes vos énergies pour la mettre là-dedans. Soyez bien sûr que c'est une valeur qui n'a aucune valeur. C'est une perte de temps complète. L'amour, elle rayonne. L'amour réel, c'est une énergie qui arrive, qui est là dans l'air. Puis cette énergie-là, elle rentre en vous. Puis l'amour a comme principe de ne pas aimer. L'amour n'aime pas. L'amour ne choisit pas où il va se placer, où il va atterrir. L'amour ne dit pas « j'aime un tel et je déteste un autre ». L'amour ne dit pas « j'aime telle plante et je déteste telle autre ». L'amour n'aime pas l'amour. Mais nous, quand on aime puis qu'on n'aime pas, c'est pas l'amour. C'est une expression simplement d'un désir et d'un besoin que l'on a. Et quand la chose vient combler ce besoin, on aime la chose. Et quand la chose ne comble pas le besoin, on n'aime pas la chose. C'est ça l'amour humain. Attacher de la valeur là-dedans, ben, c'est l'attacher là-dedans. L'amour n'aime pas. S'il y a une petite chose sur la terre que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Puis si vous aimez tout, ben vous aimez tout. Si vous aimez, vous aimez tout. Ça, c'est l'amour. L'amour, il vient en vous puis il rayonne. Si vous voulez prendre ces rayonnements puis les canaliser sur quelqu'un pour pas que l'autre puisse les avoir, ben l'amour se retire. Vous pouvez pas manipuler l'amour. L'amour véritable peut vous manipuler. Il va rayonner en vous. On peut pas manipuler l'amour. On peut pas décider qui l'amour va aimer et qui l'amour n'aimera pas. L'amour n'aime pas. Alors en partant, l'amour, elle est disponible à tout le monde. Mais parce qu'elle n'aime pas, justement. Alors ce qui fait que l'amour, ben quelle est la valeur de l'amour? Ben il faut savoir de quel amour on parle. Puis si c'est l'amour véritable, il n'y a pas de valeur. Vous n'allez pas vouloir défendre l'amour. L'amour va quand même aller partout. Alors même si quelqu'un dit « Ah, l'amour va pas partout », ça sert à rien de vous argumenter avec. L'amour, il va pareil. Alors, ça n'a aucune valeur, l'amour. Ça n'a pas de valeur. L'amour que l'homme a, l'amour égoïque que l'homme a une valeur pour l'homme qui l'a. Parce que l'homme a besoin de cet amour-là. Mais l'homme, il souffre aussi. J'ai besoin d'être aimé. Ben, t'as besoin d'être aimé, donc t'es l'esclave de cet amour-là, puis t'es limité par cet amour-là, parce que tu es dépendant de cet amour-là, tu as besoin. J'ai besoin d'aimer. C'est la même chose. Parce que tant que tu as l'être pour aimer et l'être pour te faire aimer, la vie est belle. Tant que tu n'as pas peur de le perdre, parce que là, tu sais que tu pourras plus. Mais quand tu l'as plus, ça, ton amour, il fait quoi? C'est un amour humain. Présentement, on vit avec ça, c'est correct. Prenons juste conscience de pas mettre trop de valeur là-dedans. L'homme d'instinct, il va aimer comme ça. Alors pourquoi vouloir défendre l'amour? Promener avec notre pancarte « Peace and Love ». Puis mettre des tulipes puis des roses dans les canons des soldats. Puis après, ça change rien en ce qui concerne le cheminement évolutionnaire de l'humanité, parce que l'énergie qui dépense là-dedans est une énergie qui est dépensée en propagande, donc en défense de valeurs, donc inutilement. Ça change rien, ça. Alors, peace and love, paix et amour. L'amour va faire ce qu'il y a à faire, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas de valeur à défendre là-dedans. Si vous, vous voulez le rayonner, il ne pourra pas rayonner. L'amour, il rayonne. Il ne rayonne pas parce que vous voulez le faire. Il rayonne parce que c'est sa nature de rayonner. L'amour, il va partout pas parce que vous voulez, pas parce que vous faites une propagande politique. L'amour, il va partout parce que c'est sa nature d'aller partout. Hein? L'air est pollué. Promenez-vous avec une pancarte, puis dites simplement « Protestons, refusons de respirer ». Bon. Ben, ça sert à rien, votre nature est de respirer. Alors, c'est la même chose pour l'amour ou pour n'importe quoi. Faites une propagande, défendez la valeur de l'amour, c'est une valeur sans valeur. L'amour est ce qu'il est. La valeur qui est sans valeur, c'est l'attachement et l'empressement que vous avez à dépenser de l'énergie pour défendre la chose. Alors, au lieu de mettre l'énergie pour pouvoir vivre la chose, on met l'énergie pour défendre la chose. Pendant ce temps-là, elle, vous l'avez plus, là. Vous êtes trop occupé à la défendre. Alors, l'amour véritable, on la défend pas. On défend pas l'amour. On le vit, l'amour. On le défend pas. Puis si on défend l'amour, c'est une valeur. Une valeur sans valeur. Donc, les valeurs n'ont plus beaucoup de valeur. On pourrait penser que l'homme qui vit sans valeur, il manque de morale. Une question qu'il faut nous permettre d'explorer ça, là. C'est, penses-tu que l'homme doit devenir amoral? Bon, c'est quoi être amoral? C'est d'avoir une morale qui est en dissonance avec la morale de la société, ou c'est d'être intelligent puis de comprendre. C'est deux amoralités. Quelqu'un qui est amoral, c'est quelqu'un qui, par rapport à notre morale, est en dissonance. Quelqu'un qui sort et qui se promène tout nu dans la rue, il est amoral. Mais si tout le monde se promène tout nu dans la rue, il n'est plus amoral. C'est quoi être amoral? Si vous voulez être amoral et vous décidez vous-même que vous allez faire vos choses, ben vous avez une moralité. Vous avez des valeurs qui sont peut-être en dissonance avec les valeurs de la société, mais vous avez des valeurs pareilles. Vous n'êtes pas amoral. Mais le monde va dire que vous êtes amoral. Mais le monde ne sait pas c'est quoi la moralité. Vous êtes toujours moral, vous avez vos valeurs, mais vos valeurs ne sont pas en concordance avec l'extérieur. C'est juste ça. Par contre, si moi je n'ai pas de valeurs, mais si je n'ai pas de valeur, moi, je comprends des choses. Et je n'attache pas d'importance à quoi que ce soit. Par contre, je sais très bien, parce que j'ai une intelligence qui me le dit, que si je ne respecte pas quelqu'un, puis que lui me saute dessus, puis qu'il me passe à tabac, ça m'arrange pas. Alors donc, je respecte autrui, parce que autrui a un niveau d'évolution où il est. Il a une possibilité de compréhension qui lui est propre. Automatiquement, je le respecte. Pas parce que l'on doit respecter autrui. Si on fait ça parce que l'on doit respecter autrui, c'est une valeur. Et étant une valeur, on est sujet à défendre la valeur au lieu de respecter autrui. Parce que si je défends la valeur que je dois respecter autrui, ben le gars avec qui je m'astine, je le respecte pas. Puis ça, c'est la preuve tout à l'heure que ce que je vous disais. C'est que la valeur, si je la défends, je la vis pas. Je l'ai même pas. Je défends de quoi que j'ai même pas. Si je veux te respecter, puis c'est une valeur que j'ai, tu me dis que c'est pas nécessaire de respecter les autres. Ah ben oui, on doit les respecter, puis là, je te fais manger tout ce que je peux pour te convaincre qu'on doit respecter les autres. Ben pendant ça, lui, je le respecte pas. Alors, c'est quoi ma valeur du respect? Si moi, je comprends, il y a des choses que je fais parce que c'est intelligent de les faire. Faites-moi confiance, l'intelligence est de beaucoup supérieure à notre morale et à nos valeurs. Parce que c'est l'intelligence qui, bien filtrée par notre astral, est venue instaurer nos valeurs. Alors, si vous n'êtes pas qu'une parcelle filtrée d'intelligence avec des valeurs, mais que vous êtes l'intelligence même qui a instauré ces valeurs-là, ben vous n'avez pas besoin de valeurs. Hein? Vous êtes l'entité qui est capable d'en mettre des valeurs. Ben, vous n'en avez pas de besoin. Alors, être réellement amoral, c'est pas être à l'extérieur de la société, être périphérique à la société ou à la masse. C'est pas ça être amoral. Si moi, je décide qu'on peut tuer n'importe qui, c'est ma morale. Je ne suis pas amoral, je suis parfaitement amoral, mais à l'encontre de votre moralité. Alors, penses-tu que l'homme doit devenir amoral? Ben oui. Mais amoral totalement. Pas s'exclure ou être marginal. Il peut être marginal, j'ai aucun problème, mais l'homme ne doit pas imposer sa marginalité à la société. Parce que l'homme, il rejoint le clan marginaux de plus en plus vaste, qu'à un moment donné, ça va être ceux qui ne sont pas dedans qui vont être marginaux. Parce qu'il y en a assez qui sortent et qui veulent convaincre tout le monde qu'il y en a plus qui sont de même que ceux qui sont en dedans. Hein? Fait que c'est quasiment être marginal maintenant que de ne pas être marginal. Bon. Alors, ce qui fait que Être amoral réellement, c'est quoi? C'est ça. C'est ne pas avoir de morale. C'est d'être intelligent puis de voir ce qu'on a à faire. Puis quand on le voit, on n'a pas besoin d'une morale pour nous guider. On n'a pas besoin de valeur pour nous guider parce que l'on sait ce que l'on doit faire. La première personne qui a amené une morale ici, il l'a donnée à l'humanité, mais lui, il n'avait pas de morale. C'est les autres qui n'ont eu une morale. Pensez-vous que Dieu a une morale? Puis que Dieu se sent coupable quand il n'arrive pas à exaucer à exprimer sa morale? Mais non, Dieu est amoral. Ben, complètement. Mais au niveau de conscience de la population, la morale, au niveau de conscience dont, où la population est actuellement, la morale a une certaine nécessité jusqu'à temps qu'elle soit dépassée. Parce que l'homme n'a pas l'intelligence, justement, de comprendre toutes ces choses-là. Okay. Mais entre nous, à un moment donné, on va le comprendre. Alors, la morale. Okay. L'enfant à la naissance naît-il avec les valeurs de ses mémoires passées? Bon, ben, j'ai déjà fait une conférence sur la réincarnation. La personne qui voudrait en savoir réellement plus, là, c'est pas pour vendre, mais ça vend, en tout cas, elle peut se procurer les deux cassettes sur la réincarnation. Alors, l'enfant, à la naissance, naît-il avec les valeurs mémoire passée? Les valeurs de ses mémoires passées? Ben, automatiquement, oui. Sauf que, justement, vu que la réincarnation n'est pas comme l'on croit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui est comme qu'on croit, c'est comme que c'est, ça se fout bien de ce qu'on croit. Hein? C'est sa pureté. La réincarnation, l'enfant naît avec les valeurs de ses mémoires. Et puis, disons que de ses mémoires, ça serait réel si la personne pense que par là, il y a différents individus, donc différentes mémoires, de ses mémoires, de pleines mémoires, qui se réincarnent en elle. La personne ne se réincarne pas intégralement d'une façon psychologique, c'est-à-dire que vous, vous mourrez, vous faites un cheminement, vous allez vous asseoir au paradis, ben non, en enfer un bout de temps, allez faire que votre steak là. Et puis, à un moment donné, il y a un corps physique qui apparaît, qui est plus beau, qui est à votre goût, tout ça, puis qui va pouvoir vous amener dans des expériences qui vont vous enseigner ce que vous n'avez pas appris. Imaginez-vous que si vous êtes au niveau de devoir faire une vie terrestre parce que vous n'avez pas appris puis pas compris des choses, ben vous êtes loin d'être capable de décider quel genre de corps puis quel genre de vie vous avez besoin pour l'apprendre. Puis si vous pourriez le faire, c'est parce que vous êtes dans un état de compréhension assez avancé que quand vous arrivez au monde, ben vous vous rappelez de ce que vous avez à faire. Mais comme c'est pas le cas, ben c'est pas ça qui se passe non plus. Alors l'homme, il y a un corps physique qui apparaît, il y a différentes, disons, reproductions des mémoires individuelles. Alors, par exemple, toute la salle un jour se réincarne dans un individu, et c'est normal. Et toute la salle se réincarne aussi dans 300 individus, mélangés avec bien d'autres mondes. Et puis ça, c'est la réincarnation pluralitaire, puis c'est la seule qui existe présentement. Il y en a une qui est fusionnelle, mais ça, c'est pour les initiés rendus à la fin du cheminement terrestre. Alors, ce qui fait que tous les valeurs qui ont été enseignées dans les individus qui vont se réincarner pluralitairement dans un corps physique, bien évidemment, ces valeurs-là restent à l'état stagnant, disons subconscient, inconscient, c'est-à-dire qu'ils sont tellement loin et mélangés entre eux que l'enfant qui vient au monde n'a pas accès instantanément à ces valeurs-là. Par contre, son éducation, si elle est dans un, par exemple, dans un certain sens, elle va faire en sorte qu'au fin fond des souvenirs des valeurs de tous ces individus-là, ben les valeurs qui vont être en concordance au fond de lui avec ce qu'on va lui donner comme éducation vont ressurgir, ils vont aider à incruster, à cristalliser ces valeurs-là en lui. Alors, ce qui fait que c'est l'éducation qui va déterminer les valeurs avec lesquelles l'individu va vivre, mais c'est son schéma de mémoire qui va donner la profondeur avec laquelle l'individu va croire à ces valeurs-là. Alors, ce qui fait que la réincarnation, là, je ne vais pas trop revenir dessus parce que je l'ai déjà fait. C'est de l'énergie perdue de le refaire, du moins en conférence. En séminaire, c'est autre chose, mais en conférence. Et puis, ben, en plus, on n'a pas le temps, voilà. Alors, je suis sauvé par la cloche. On a-tu une dernière question? Ben oui. Une question pressante, là. L'énergie en trop, .. Quoi faire? L'énergie en trop, c'est une énergie qui n'est pas canalisée, qui pousse sur le bord d'un bras comme un cancer. Si celle-là, au lieu de pousser sur le bord d'un bras, était remis à l'intérieur pour remplacer les cellules en train de mourir, on n'aura pas d'énergie en trop, ni de cellules en trop. Alors, ce qu'il faut faire, ben, il faut pas en avoir en trop. Puis en avoir en trop, c'est quoi? C'est de bloquer l'énergie pour pas qu'elle passe quelque part, parce qu'on veut la contrôler. Puis on veut la contrôler, ben, à un moment donné, elle s'accumule. Hier, à l'émission de radio, je parlais justement de la différence entre contrôler et canaliser. On veut contrôler une rivière. On fait un barrage. Il vient toujours un jour où il y a trop d'eau. Puis l'eau passe par-dessus, puis la rivière continue à couler. On n'a rien contrôlé. On a temporalisé la chose. Canaliser, c'est quoi? Bâtir un barrage, si vous voulez. Mais ça veut dire bâtir des digues, bâtir des canaux, pour que l'eau va passer de toute façon, s'en aille là où notre intelligence dit qu'elle doit aller. Ça, c'est canaliser. Canaliser nos énergies au lieu de les contrôler, ben c'est ça. On contrôle la colère, il y a un temps où ça déborde. Canaliser cette énergie-là, c'est l'envoyer là où elle doit aller. Alors, quand on a trop d'énergie, c'est parce qu'on a voulu contrôler une forme d'expression de l'énergie, et en voulant la contrôler, il y a un temps où le barrage est plein, puis on ne sait plus quoi faire. Le barrage peut défoncer, ça fait mal. Faut canaliser, faut pas contrôler. Quand on canalise, on n'en a pas trop. Toi, cette question-là, là, ben, ils poussent tout ça à table, les questions. C'est la dernière, celle-là. Je vais te laisser la lire parce que il y a de quoi là.